Pour un transport en toute sécurité, les autobus du groupe Véro sont les gens à contacter. Nous offrons des transports de 48 à 56 passagers, en plus du transport scolaire. Chez le groupe Véro, notre confort est notre priorité. Téléphonez-nous au 418-679-1573. Le personnel et la direction du groupe Véro souhaitent une belle saison au Sabre de Roberval et fiers commanditaires de la chronique de l'instructeur-chef Patrice Gagnon. On va parler des Sabres de Roberval. On sait que cette chronique est une commandite du groupe Véro. Les Sabres en ont mangé toute une en fin de semaine. Ils ont perdu 8-2 contre les Éperviers. On en parle avec l'instructeur-chef Guillaume Guy. Salut Guillaume. Salut Danny. Guillaume, défaite de 8-2 en fin de semaine contre les Éperviers normandais. Si on parlait de ce match-là. Je te dirais que le pointage n'indique pas vraiment l'allure de la rencontre. Là. On a fait preuve de malchance un petit peu là sur des buts vraiment malchanceux. Là. 2-3 buts déviés. Ensuite, un but qui le joueur a dompé le puck puis a pogné la porte de la Zamboni, est revenu vers le centre de la glace. Notre gardien était sorti derrière le filet. C'est un but qui a fait mal là, en début de deuxième. Là, ça a fait 4-1. Puis après ça, là, ça a été plus dur un petit peu. Là. Okay. On a quand même travaillé fort. Sauf qu'on a eu des avantages numériques en début de match qu'on n'a pas capitalisé. Puis je pense que c'est là le gros point tournant du match. OK. Si on parlait maintenant de ce qui se passe, il y avait un autre match aussi, je pense. Hein? Ça n'a pas été inscrit, par exemple, mais il y avait un autre match au programme, hein? Non, nous autres, on a joué juste un match. OK. OK, parce que je pensais, parce que j'avais vu sur les médias sociaux, il me semblait que vous disiez qu'on efface et qu'on recommence. Donc, c'est pas ça qui s'est passé. En fin de semaine, il se passe quoi? En fin de semaine, on affronte vendredi les Marquis à Jonquière. Oui. Pour un gros match contre la première position. Puis ensuite, là, samedi, on reçoit les Redlons chez nous, là, au Centre sportif Benoît-Lévesque. OK. Donc, j'imagine que les Marquis qui sont en feu du côté des Aiglons, c'est très, très prenant, par contre. Là. Oui, c'est sûr, oui. Puis l'objectif du deuxième ou troisième rang est toujours présent. Là. Il s'agit juste d'aligner quelques victoires. D'ici la fin de la saison, là, il reste cinq matchs. OK. Donc, notre objectif de 4 victoires là, pour être atteignable, je crois. Là. Okay. Fait que, puis les Marquis, il va falloir les battre à main de main, c'est sûr, parce que si on les affronte en série, ça va prendre un brin de confiance. Ouais. De toute façon, je pense qu'on a l'équipe là, rendue en fin de saison avec des nouvelles acquisitions puis tout. Là. Je pense qu'il n'y a pas d'équipe là, qui peut nous faire peur. Effectivement. On se reparle la semaine prochaine, Guillaume? Oui, pas de problème, Danny. Voilà, donc c'était l'instructeur-chef des Sabres de Roberval, Guillaume.